Chapitre 18e, le maître de Lislewood devient amoureux. On devait s'attendre que lorsqu'un homme aussi noble, et par-dessus tout aussi riche que Sir Robert Lissel, rentrerait en possession de ses domaines, des gens plus humbles et plus pauvres attacheraient quelque importance à cet événement et se casseraient la tête à trouver le moyen d'en tirer parti. Un jeune homme de 21 ans, de bon air, énormément riche et baronnet, telle était l'exclamation que jeunes femmes et jeunes filles répétaient en chœur à 20 000 à la ronde de Lislewood, quand ce blond jeune homme passait à cheval sur sa jument Alzane. Se marierait-il? Et s'il se mariait, qui épouserait-il? Telles étaient les questions qu'on s'adressait pendant l'été rempli d'événements qui suivit le retour de Sir Rupert. Et vers la fin d'octobre suivant, l'agitation augmenta considérablement par le bruit qui se répandit que le baronnet venait de tomber amoureux de la plus jeune des filles du colonel Marmaduke du bocage Lislewood. Le colonel Marmaduke était un homme d'environ 50 ans, très pauvre mais très fier, à l'air rigide, ayant des cheveux et des favoris d'un gris terne, et qui portait sa redingote toujours boutonnée jusqu'au cou. Un homme terrible, disaient les fournisseurs, un homme qui donnait plus d'embarras pour une livre et demie de côtelettes de mouton que l'intendant de Lislewood Park pour toute la viande consommée dans cette maison considérable. Un homme sévère et terrible, qui tenait cour martiale pour les moindres délits de ses 5 filles et qui, disait-on, avait frappé l'aîné de sa canne après sa majorité. Le bocage était un terrible lieu. La maison grande et carrée, rouge et de peu d'apparence, était flanquée d'une lugubre rangée de peupliers qui ressemblait assez au colonel lui-même. Les 5 filles, privées de leur mère, n'avaient jamais beaucoup connu aucune des joies de ce monde. Elles n'avaient vu que la pauvreté depuis leur berceau et l'orgueil intraitable de leur père les empêchaient de prendre part aux quelques plaisirs qu'offrait Lislewood. Il ne voulait pas que ses filles parussent au bal du comté où elles n'auraient pu se rendre dans une voiture à elles. De bonnes duègnes offraient de chaperonner les jeunes filles, mais le colonel Marmaduke frémissait à la seule pensée d'avoir une obligation à qui que ce fût. Non, elles n'ont à mettre que des mousselines fripées. Donc elles restent à la maison, disait-il. Les jeunes filles sont bien mieux à la maison que partout ailleurs. De cette façon, les jeunes filles restaient à faire du crochet, à lire des romans de voyage, des biographies et des autobiographies qu'elles trouvaient au cabinet de lecture de Lislewood. Et Laura, l'aînée des 5, approchait de la trentaine et répétait la ballade de Mariana de Tennyson en déclarant que les temps étaient durs. Bien que les 4 sœurs aînées se ressemblassent d'une manière frappante, au moral comme au physique, la 5e, Olivia, était aussi différente des autres qu'il était possible de l'être. Les 4 aînés, qui ressemblaient à leur mère, avaient des cheveux blonds et l'air insignifiant. Les yeux d'Olivia étaient d'un noir sombre et profond, grands et beaux de forme, mais brillants dans la colère. Alors seulement, ils lançaient des éclairs d'un tel éclat qu'ils étaient merveilleux à contempler, mais difficiles à supporter. Elle était grande et droite comme son père, et l'on disait qu'elle avait hérité de tout son orgueil. Sa volonté était plus indomptable que celle du colonel lui-même, et quand les 4 blondes sœurs tremblaient devant lui en versant des larmes au seul bruit de sa voix courroucée, Miss Olivia allait droit à lui, et les yeux brillants d'un éclat terrible, elle lui demandait ce qu'il entendait par une conduite semblable, s'il prenait la salle à manger pour une caserne, ou s'il se croyait la tête de son régiment. Vous pouviez dire tout ce que vous vouliez à une bande de recrues misérables et grossières. Vos soldats étaient obligés de souffrir votre insolence. « Mais vous ne vous conduirez pas avec nous de cette manière tant que je serai dans cette maison. » Et le colonel rougissait très fort, tirait vigoureusement son faux col et parlait en marmottant lui-même, mais sans répliquer un seul mot à sa fille cadette, car Miss Olivia était l'enfant gâté de son père. « Je n'ai jamais eu de fils, » disait-il à un ancien militaire. « Je n'ai jamais eu de fils, bien que j'eusse désiré en avoir un, car Marmaduke est un vieux nom digne d'être conservé. Mais j'ai ma fille, Olivia, » « Et elle vous n'importe quel fils. Diable, monsieur, il faut l'entendre me parler. C'est la seule créature dont j'ai jamais eu peur, et sur ma parole, elle me fait quelquefois trembler. » Miss Olivia Marmaduke était une excellente écuyère. Personne ne savait comment elle avait acquis cette science, car il n'y avait pas de chevaux au bocage. Mais la rumeur disait que, dans sa plus tendre jeunesse, elle avait eu l'habitude de monter sur les jeunes poulains pâturant dans les plaines environnantes, ce qui n'était pas chose facile. Lorsqu'elle avait eu 19 ans et que les convenances l'empêchèrent de monter des poulains non dressés, Miss Olivia avait porté chez le tailleur de Lislewood un vieil habit de cheval de sa mère, afin qu'il pût y faire les changements qu'exigeait la mode du moment, et revêtu de cette amazone verte toute râpée, montée sur un cheval gris osseux, elle galopait chaque jour à travers les vastes plaines et les routes charmantes du pays. Dans une de ces promenades, la jeune amazone rencontra ce sir Rupert Lessel dont on parlait tant. Son père était allé faire une visite au jeune baronnet, et une invitation à dîner avait été adressée à la famille. Mais comme toutes les autres invitations, elle avait été refusée par le colonel, de sorte qu'Olivia n'avait jamais vu ce report. Elle rentra à la maison et fit un récit circonstancié de sa rencontre. « Il montait la côte, papa, dit-elle, à cheval sur son alezan au pied blanc, allant pas à pas comme s'il marchait sur des œufs ou sur une corde roide. Et quand il me vit, il fit un mouvement et parut aussi effrayé que s'il avait vu un fantôme, et mon chien, Box, s'élança vers son cheval. » Box se précipite toujours vers les chevaux qui ont un pied blanc, et le baronnet devint pâle comme la mort. « Ma jument est un peu ombrageuse, miss, » dit-il. « Je hais les gens qui vous appellent miss. Veuillez retenir votre chien. » Il avait l'air si effrayé et si stupide que je commençais à rire quand il s'écria « Par tous les diables, voulez-vous rappeler votre chien ?» Il était peu probable qu'une des filles du colonel Marmaduke laissât jamais jurer après elle, si ce n'est par le colonel lui-même. Donc, je me redressais aussi roide qu'une recrue. Je regardais le baronnet en face. J'appelai Box d'une voix que le gentilhomme n'oubliera pas de sitôt, et je descendis la côte au galop. En arrivant au bas de la côte, je me retournai. Ce report était là. Son chapeau blanc placé en arrière, il me regardait comme un homme frappé d'aliénation mentale. « Peut-être frappé par vous, par votre beauté, Olivia, » dit l'aîné des filles. « Il y aurait une double chance pour vous. » Sir Rupert Lessel, le meilleur parti du comté de Sussex, pourquoi ne tenteriez-vous pas de l'épouser, Olivia ? Miss Marmaduke sentait que ses chances de mariage devenaient moindres de jour en jour. Il était porté à se montrer un peu aigre et moqueuse envers sa jolie sœur. « Essayez de l'épouser ? » s'écria la jeune fille. « Mais si je le voulais, en moins d'une semaine, je le tiendrai dans ma main, comme Lucie tient ce stupide ouvrage au crochet. Je lui ferai danser tout ce que je voudrais. » Comme cet homme à la lanterne magique de la foire de Lisselwood faisait danser les marionnettes qu'il montrait aux enfants. Et la jeune fille, qui avait de jolies mains blanches, faisait mine de tirer les ficelles d'un pantin de carton. L'épouser, lui, ce pauvre petit Jocris. Mais Laura peut l'épouser si elle en a le courage, quoique ses cheveux ne soient guère épais à l'endroit de l'arrêt, et qu'elle marche sur la... Miss Olivia termina sa phrase en toussant malicieusement. « Oh non, merci. » répliqua Miss Marmaduke. « Je vous l'abandonne, Olivia. Je n'ai pas assez d'esprit et ne suis point assez belle, et Dieu merci. Je n'ai pas assez de vanité pour tenter de... séduire. » La jeune femme appuya sur le mot « séduire ». Un baronnet qui a je ne sais combien de 1000 livres de rente. C'est à vous que j'abandonne cette tâche, Olivia. Et je serai heureuse d'aller vous voir à Lisselwood Park. Si vous avez la bonté de m'inviter, bien que sans doute, n'étant qu'une parente pauvre, vous ne me donneriez qu'une des petites chambres du second étage. » Le colonel regardait par-dessus son journal, riant de cette escarmouche entre l'aînée et la plus jeune de ses filles. « Voilà qui est bien, Olivia, » dit-il. « Ma fille, vous auriez pu épouser le prince régent, si vous eussiez vécu au siècle dernier. Il n'y a pas un homme au monde qui pourrait lutter contre vous. Si vous vous mettiez dans la tête de l'avoir, n'est-ce pas, Olivia ?» Olivia mit ses mains sur les cheveux gris et luisants du vieillard, et elle les caressa doucement. « Si jamais j'épouse un homme riche, papa, « ce sera pour vous, » dit-elle, « et non pas pour d'autres. » Et elle regarda ses quatre sœurs comme pour leur dire, « Pas pour vous, jeune demoiselle, pas pour vous. » Il ne sembla certainement pas que Sir Rupert eût la moindre intention, pour me servir de la phrase du colonel, d'essayer de lutter contre les attraits de Miss Olivia Marmaduke, car le lendemain matin, il se présenta au bocage et s'excusa de sa conduite un peu brusque de la veille. Il était de si bonne heure quand il vint, que l'on avait à peine desservi le déjeuner dans la salle où les jeunes personnes et leur père le reçurent. « Je sais bien que je suis venu trop matin, » dit-il, « et je vous ai toute surprise dans vos robes de chambre, comme il me l'avait prédit. Il m'avait dit aussi que je ne devais pas me présenter avant 1 heure, mais je n'ai pu attendre plus longtemps, et je serais même venu hier soir s'il ne m'en avait empêché. » En débitant cet étrange discours, le jeune baronnet devenait à chaque instant plus rouge, se démenait sur sa chaise, et passait sa cravache à pomme d'or d'une main dans l'autre avec un mouvement nerveux. Il était vêtu d'un costume du matin des plus fashionables. Il portait beaucoup plus de bijoux que de coutume et il agitait un mouchoir de batiste qui sentait le parfum du Jockey Club. Miss Olivia se mit à rire au nez de son admirateur. « Il nous est égal d'être surprise dans nos robes de chambre, Sir Rupert, dit-elle, mais c'est très convenable à lui de l'avoir prévu. » Le baronnet rougit encore davantage, si cela est possible. « Je voulais parler du major Granville Varney. Le connaissez-vous ? » ?»« Je n'ai pas ce plaisir, dit Olivia, mais je ne doute pas que ce soit un personnage fort agréable. » Puis la jeune femme alla à la fenêtre et regarda dans le jardin, laissant son père et ses sœurs recevoir le visiteur. « Granville Varney ? » ?»« Oh, je l'ai vu le jour où je suis allé au château. Sir Rupert, je crois qu'il m'a dit être au service de la compagnie. » Le baronnet, dont les yeux étaient fixés sur Miss Olivia, penchée sur les géraniums, ne sembla pas entendre un seul mot de ce que lui disait le colonel Marmaduke. « Croyez-vous qu'elle m'en veuille beaucoup ? » demanda-t-il. « Elle ? » fit le colonel. « Miss, voulais-je dire, je sais que je n'ai pas été poli hier, mais cette jument est si ombrageuse que le diable l'emporte. Il n'a tenu à rien qu'elle ne me jeta à terre. J'ai tout raconté au major. Il m'a dit que ma conduite était grossière, et je suis venu pour faire mes excuses. Donc, j'espère que Miss n'y pense plus. Je n'oublierai jamais le regard qu'elle m'a lancé. Il m'a traversé comme une balle. Voulez-vous me pardonner, Miss ? » ajouta-t-il d'un ton suppliant en s'adressant à Olivia. « Oh, bien certainement, dit-elle, c'est très peu de choses à pardonner. Sans doute, c'est votre habitude de jurer, et cela vous semble tout naturel. Mais voyez-vous, je n'y suis pas accoutumée, et quand papa jure, je le fais sortir. » « Je crois qu'elle pourrait commander n'importe quoi à n'importe qui, colonel Marmaduke, dit le jeune homme en continuant à jouer avec sa canne et son chapeau, et je suis certain que personne ne refuserait de lui obéir. » Olivia continua à effeuiller les géraniums comme s'il n'eût pas eu de sœur Rupert les seuls au monde. Le jeune homme la regarda en silence pendant quelques instants, et il put à peine répondre à une ou deux remarques polies que lui fit le colonel. Enfin, il sentit qu'il était temps de partir. Il serra la main du colonel et celle des quatre sœurs aînées. Ensuite, il s'approcha de Miss Olivia et lui tendit la main. Elle y posa le bout de ses doigts. Il les pressa un moment, puis il les laissa tomber comme s'ils l'eussent brûlé. « Me pardonnez-vous, Miss Olivia ? » demanda-t-il. Il avait appris son nom en l'entendant nommer par ses sœurs. « Oh mon Dieu, oui, ne vous ai-je pas déjà dit que je vous pardonnais ? » fit-elle avec un mouvement d'impatience. Ces deux ou trois syllabes parurent anéantir entièrement le jeune baronnet. Il sortit à reculons, heurtant une petite chaise en canne, et quelques minutes après, on entendit le pas de son cheval sur la grande route devant la maison. « Ah, Olivia, dit le colonel, comme vous avez été dur pour Sir Rupert. Il manque terriblement d'usage, mais cela n'est pas très étonnant dans ces circonstances. » Olivia Marmaduke ne fit pas la moindre attention à l'observation de son père. « Quelle chambre occuperez-vous quand vous viendrez habiter avec moi, les Selwood Park, cher père ? » dit-elle. « Je me souviens d'avoir remarqué un joli appartement en chêne situé au midi, lorsque nous sommes allés au château il y a des années, et que l'intendant nous a montré les chambres occupées par le père de Sir Rupert. Il y a un escalier secret qui donne dans une des chambres avec un panneau à coulisses et qui conduit par un passage souterrain dans le parc. C'est un bon vieux château romanesque. Et il paraît que vous en deviendrez la châtelaine, Olivia ? » dit l'aînée des sœurs d'un ton railleur. « Je le pense, Laura, ma chère, » répondit la jeune fille. « N'importe, je vous trouverai un mari quand je serai Lady Lestrade. »